Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, notre émission d'aujourd'hui, comme la suivante d'ailleurs, sera consacrée à la souffrance, une réalité que chacun de nous rencontre à un moment ou à un autre de sa vie, avec toujours la même question. Pourquoi ? Le thème de la souffrance est lié directement à celui de la passion, j'entends la passion du Seigneur, que nous allons revivre dans quelques semaines. Pour réfléchir sur ce sujet et essayer de comprendre quel peut être son sens chrétien, nous recevons aujourd'hui Bertrand Vergely, professeur de philosophie à Orléans, à l'Institut d'études politiques de Paris et à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, et auteur de nombreux livres, dont un sur la souffrance, paru chez Gallimard dans la collection Folio Essai en 1997, ainsi qu'un autre intitulé « Le silence de Dieu face au malheur du monde », paru en 2006 aux presses de la Renaissance. Bertrand Vergely, le Dieu puissant souffre. Comment peut-on entendre ce paradoxe ? D'un certain point de vue, ça n'a pas de sens. On souffre quand on est faible. On souffre quand on a commis une erreur. Donc, il est hérétique de dire que Dieu souffre. Cela voudrait dire qu'il ait fait des erreurs. Mais d'un autre côté, souffrir veut dire supporter. Et nous apercevons ici que s'il existe une faiblesse dans le fait de souffrir, il existe une force dans le fait de supporter. Et une faiblesse dans le fait de ne rien supporter. Quelqu'un qui ne supporte rien, c'est quelqu'un qui est d'une fragilité, d'une impatience, et on verra d'une violence et d'une tyrannie telle qu'il ne supporte rien. Donc, quel est le Dieu qui souffre ? Ce n'est pas un Dieu faible qui a commis des erreurs, c'est un Dieu puissant qui est tout sauf un tyran. Et c'est là que l'on peut parler de mystère de la souffrance, à l'intérieur de quelque chose qui semble négatif comme la souffrance, nous allons apercevoir quelque chose qui est la force infinie, la toute-puissance, dans le fait de tout supporter. Donc il n'est pas contradictoire de dire que Dieu est tout-puissant et Dieu souffre. Dieu est tout-puissant, donc il supporte tout, et il n'est pas du tout comme celui qui s'extrairait de la souffrance en ne supportant rien. Si Dieu ne supportait rien, il ne serait pas Dieu, il serait un tyran. Donc le problème consiste à mal comprendre, à mal recevoir le terme de souffrance, si j'entends bien. Quels sont les sens qu'on peut donner à ce terme, donc ? Alors, je crois qu'il faut apercevoir qu'il y a un sens positif de la souffrance et un sens négatif de la souffrance. Et que la même chose, selon qu'elle est vue avec l'esprit ou sans esprit, est créatrice ou destructrice. La souffrance, au sens positif, a trois significations. La première veut dire subir. La deuxième veut dire attendre, être en souffrance. Et la troisième veut dire supporter. Subir, ce n'est pas simplement quelque chose de négatif. Subir, c'est quelque chose de positif. C'est ce qui se passe lorsque je suis dans une situation où, ne dominant pas, je ne suis pas pour autant dominé. Je résiste. Et j'ai mal au sens du « je suis sensible à ». Je subis lorsque j'aime quelqu'un qui fait des erreurs et j'ai mal pour lui. Et comme je ne veux pas lui faire du mal, eh bien, je subis. Je vis avec lui un état de souffrance. Et j'expérimente la conscience. Lorsqu'on est capable de subir quelque chose, c'est le moment où on est capable de dépasser l'orgueil qui n'endure rien. Et on peut dire que sans violence, on résiste à la violence. Voilà ce qui se passe lorsqu'on subit. Le Christ a subi l'outrage, c'est-à-dire que sans violence, il a résisté à la violence et il a eu mal à cette violence. Et ici, il s'agit du moment où il y a une douleur positive qui est la douleur de la conscience. Vous voyez, quand on aime quelqu'un et qu'il fait des erreurs, on dit « tu me fais mal », on ne veut pas lui faire du mal et on souffre. Donc ça, c'est la première souffrance, c'est la sensibilité, c'est le contraire du cœur dur qui ne ressent rien et qui n'a jamais mal. Il y a un moment où avoir mal est quelque chose de positif. Et c'est là que la conscience du monde et la conscience de l'homme s'élèvent. Ensuite, il y a un deuxième sens de la souffrance qui est non pas l'entrée dans la sensibilité, mais l'entrée dans le temps. C'est le fait d'attendre, d'être en souffrance. Attendre, être en souffrance, c'est le contraire de l'impatience. L'homme impatient, tyrannique, veut imposer ses désirs. Il ne supporte rien, il n'a pas le temps d'attendre. Tandis que l'homme qui est plein d'amour, de patience et d'humilité est capable d'attendre. J'aime quelqu'un, non seulement j'ai mal parce qu'il fait des erreurs, mais je ne désespère pas. J'attends qu'il se transforme et qu'il change de vie. Et même, je l'attends au rendez-vous de l'amitié, au rendez-vous de l'amour infini. Être en souffrance, donc, c'est une qualité magnifique. C'est magnifique d'attendre les êtres et d'espérer en eux, au lieu de les condamner et de les rejeter. Et alors, nous avons ensuite le troisième aspect de la souffrance, qui est le fait de supporter. Le fait de supporter fait penser à la colonne qui supporte un édifice. Et l'image de la colonne, du pilier, est une belle image de ce que peut être la transcendance dans l'incarnation. Se transcender, c'est le propre de Dieu qui est au-delà de Dieu parce qu'il est vivant. Se transcender quand c'est incarné, ce n'est pas aller au-delà du monde, mais c'est rentrer dans la profondeur du monde. C'est rentrer dans la profondeur de soi-même. C'est aller au-dessous de soi-même pour pouvoir élever ce que l'on est. Donc, dans le fait de supporter, nous avons ici tout le mystère de la transcendance vécue dans le monde incarné, c'est-à-dire aller au-dessous de soi-même pour élever. Et aller au-dessous de soi-même, c'est ce que l'on fait lorsque on sent, lorsque on est dans le temps. C'est-à-dire, au lieu de s'imposer, on se met en retrait, on rentre dans la sensibilité de soi-même, on rentre dans la sensibilité de la vie, on rentre dans le temps de soi-même et dans le temps de la vie. Et dans l'invisible, on commence à supporter. Et là, on est dans le mystère positif de la souffrance. On pense que subir, attendre, supporter est passif. On pense que ça ne fait rien. Ça agit énormément dans l'invisible. Et ici, nous sommes au fond dans tout le mystère de l'histoire. Nous croyons que Dieu n'existe pas. Nous ne voyons pas que dans l'invisible, Dieu est dans la sensibilité du monde qui souffre et qui a mal à cause des erreurs des hommes. Dieu attend l'homme et il est également dans cette transcendance à l'intérieur des profondeurs qui supporte tout. Et alors par rapport à ça, je crois qu'il importe de voir le côté négatif de la souffrance. Quel est l'autre côté de la souffrance? Eh bien, c'est ce que j'appellerais la figure du tyran. Le tyran, c'est la partie obscure, violente de nous-mêmes que Platon a bien remarqué, indiqué dans la République. Et il se caractérise par l'incapacité de souffrir quoi que ce soit. Premièrement, le tyran ne veut pas subir. Il veut au contraire dominer, se mettre en avant. Il ne supporte pas d'être au-dessous. Et il crée toute la violence du pouvoir et de l'ego qui s'avance dans le monde pour écraser les autres. Deuxièmement, ce qui caractérise le tyran, c'est l'impatience. Il n'a pas le temps d'attendre. Il faut qu'il soit obéi et servi tout de suite. C'est le contraire du serviteur. C'est le maître tyrannique et irascible qui veut que ses désirs soient immédiatement satisfaits. Il ne sait pas attendre, aucune patience. Et enfin, aucune humilité. Il ne supporte rien. Il ne veut pas porter. Et il est porté. Alors, que se passe-t-il ? Eh bien, nous voyons que la figure du tyran, c'est la figure qui fait souffrir le monde. Le monde qui n'a pas la connaissance pense que l'idéal dans la vie consiste à avoir le pouvoir pour satisfaire tous ses désirs. Et donc, l'idéal, c'est d'être le tyran qui ne subit pas, qui n'attend pas et qui ne supporte rien. Et qu'est-ce que cela donne ? Cela donne quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui fait souffrir, et cela donne l'enfer à l'intérieur du monde. Cela donne les pouvoirs, ou ce que l'on met au pouvoir dans le monde, c'est le tyran. Et cela donne celui qui fait souffrir les autres avec son ego. Cela donne également bien, la faiblesse qui est liée à ce pouvoir. Quelqu'un qui ne supporte rien, qui n'est pas capable d'attendre et qui n'est pas capable de subir, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de souffrir. Tout l'énerve, tout l'exaspère. Il voit des ennemis partout parce que le monde n'obéit jamais assez à ses caprices. Le tyran, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une personne en particulier. C'est un état d'esprit qui met en place un système qui est infernal, diabolique. C'est le système de l'esclavage et de la tyrannie vis-à-vis du tyran intérieur. Moins j'ai de patience pour pouvoir attendre et supporter, plus je suis tyrannique. Et plus je suis tyrannique, et moins j'ai de patience. D'où nous avons affaire avec la figure du tyran à quelqu'un qui est dans la haine de lui-même et dans la haine de l'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui ne supporte rien, premièrement, ne se supporte pas lui-même. Et deuxièmement, il ne supporte pas les autres. Il ne supporte pas le côté insupportable de lui-même. Et moins il supporte le côté insupportable de lui-même, eh bien, moins il se supporte et il supporte quoi que ce soit. Il est donc dans un état de souffrance extrême. Et c'est ce qui montre, si vous voulez, ici l'enfer de ce monde. Donc dans la question de la souffrance, nous avons quoi ? Nous avons toute la relation qu'il y a dans le plan divin entre Dieu et Satan, mais également à l'intérieur du plan humain entre Dieu et Satan. Nous voyons que, au fond, Satan, c'est celui qui ne supporte pas, parmi les anges, de patienter, de supporter. Et nous apercevons que nous avons en nous cette même problématique. Il y a en nous un homme de patience, un homme d'humilité et de douceur, et il y a en nous un homme tyrannique et violent. Et Dieu, alors, dans tout ça ? Alors, ce qui est extraordinaire dans la question de la souffrance, c'est que nous apercevons que celle-ci commence à l'intérieur de Dieu. Je m'explique. Le Dieu vivant, le Dieu trinitaire, est un Dieu qui porte en lui tout le mystère de la souffrance positive. Quelle est l'extraordinaire nouvelle du christianisme? Il y en a beaucoup. Mais d'abord, et principalement, c'est le Dieu trinitaire. C'est-à-dire un Dieu qui n'est pas solitaire, mais un Dieu qui est vivant. Je crois que c'était important de comprendre cette chose importante. Dieu est un Dieu vivant. Et la clé de la vie humaine et de la vie tout court est liée à la souffrance. Au sens où, comme le disent les pères, Dieu n'est pas celui qui veut être, mais c'est celui qui se retire pour laisser être. Dieu n'est pas quelqu'un qui impose son être, Dieu est celui qui donne son être. Si Dieu imposait son être, Dieu serait faible. Comme Dieu est fort, il n'a pas besoin d'imposer son être et il le diffuse. Et d'abord, il le diffuse en Dieu lui-même. Ce qui est beau, c'est de dire que Dieu a une vie intérieure. Et quelle est cette vie ? C'est la relation qu'il y a entre Père, Fils et Esprit-Saint. On peut, pour figurer les choses, dire le Père est la source ineffable, invisible et inconnaissable de toute création et de toute la vie. Le Fils, manifestation visible de l'invisible, icône visible de l'invisible. Que fait le Père ? Le Père s'efface devant le Fils et donne à son Fils tous ses pouvoirs et toute sa puissance. Et nous pourrions dire ici que c'est tout le passage de l'invisible au visible qui s'exprime dans le passage du Père et du Fils. Donc, vous voyez, on dit en ce sens, le Fils est celui qui fait passer l'invisible dans le visible. Et puis, nous avons encore quelque chose de supplémentaire qui est le mystère de l'Esprit-Saint. Le Fils est vis-à-vis de l'Esprit comme le Père vis-à-vis du Fils. Le Fils s'efface devant l'Esprit, c'est-à-dire devant la présence, devant la vie divine qui se diffuse partout. Alors, qu'est-ce qui est extraordinaire dans la vision de Dieu, des dieux trinitaires ? C'est que nous avons ici la véritable définition de la réalité. La réalité, c'est ce qu'on pourrait appeler le tout, qui comprend tout. Nous sommes dans la réalité dans la mesure où nous faisons partie d'un tout qui n'est pas nous et qui nous comprend. Il y a deux manières de parler de la réalité. Je peux en parler d'une manière païenne et la réalité devient un tout qui est vide et qui n'aime rien. Et nous pouvons en parler d'une manière chrétienne sous la forme d'un tout qui est vivant et personnel et qui aime. Donc, si vous voulez, ce qui est extraordinaire dans cette vision de la Trinité, c'est que nous avons, à travers la divine Trinité, la juste définition de la réalité. La réalité est un tout, mais c'est un tout personnel et plein d'amour qui s'exprime par le dynamisme des trois personnes, qui s'effacent les unes devant les autres pour laisser rayonner l'amour divin et faire comprendre l'essentiel. Dieu ne veut pas imposer son être, il veut le diffuser, le donner à l'autre et laisser être. Et là, nous pourrions dire, en ce sens, Dieu est patience infinie à l'égard de Dieu. Dieu est souffrance infinie à l'égard de Dieu. Dieu est attente infinie à l'égard de Dieu. Et c'est ce qui fait que, c'est important, nous sommes dans une réalité qui est vivante et qui est ultra personnelle dans les hauteurs. Là, nous avons affaire au mystère, on pourrait dire au mystère de la souffrance, qui commence à l'intérieur de Dieu lui-même. Ce qui me paraît aussi important, c'est d'apercevoir que cette souffrance va se manifester encore de trois manières. Premièrement, par la création du monde et de l'homme. Deuxièmement, par l'incarnation, le mystère du Christ. Troisièmement, par la rédemption, c'est-à-dire la souffrance sur la croix, qui est la libération de l'homme, mais aussi la libération complète du Fils par rapport au Père. Parce que il va falloir comprendre la petite phrase que l'on a dans le symbole de Nicée, il a souffert. crois que c'est quelque chose qui me paraît important pour comprendre la dynamique divine. Il a souffert, me frappe parce que on peut l'interpréter de deux manières. D'abord, d'une manière banale, historique. Le Christ a souffert. Donc il s'est fait homme et il a souffert. Mais il faut aussi toujours laisser résonner les mots et apercevoir que le « il » a une autre signification. Dans la phrase « il a souffert », c'est le « il » qui a souffert. Le Christ s'incarne et en s'incarnant, il souffre en tant qu'homme, mais derrière lui, c'est aussi le « il » qui souffre. Alors, qui est le « il » ? Le « il », c'est le tiers entre le « je » et le « tu ». Et je dirais que le « il », c'est la manifestation de la divine Trinité, c'est l'Esprit-Saint. Le Christ a souffert en tant qu'homme, mais il a supporté également que l'Esprit-Saint vive à travers lui. Donc, il n'a pas fait que endurer la douleur du monde. À travers la douleur du monde, il a également supporté l'action de l'Esprit-Saint à travers la douleur du monde. Alors ça me paraît très important parce que ça va être la clé de l'histoire. L'histoire humaine est toujours humaine, mais elle est toujours divine. On est toujours dans la théanthropie, la divino-humanité. Et c'est un principe en Christ pour comprendre, tout a un double sens. Et si le monde est l'histoire de la douleur, le monde est aussi l'histoire de la liberté. Si le monde est la réalité de l'esclavage, le monde est aussi la réalité de la liberté. Et il y a toujours une histoire créatrice qui se déroule à travers les événements du monde. Alors, on va pouvoir avoir une illustration de cela, eh bien, dans la relation à la création, à l'homme et à la rédemption. Bertrand Vergely, merci beaucoup. Je rappelle que nous allons continuer cette discussion passionnante dans 15 jours. Je voudrais rappeler aussi que vous utilisez des termes qui sont profondément ancrés dans la théologie depuis le début, des termes pauliniens, par exemple celui de la kénose qui vient de l'épître aux Philippiens, ou l'image, le Christ, image, icône du Dieu invisible, c'est dans l'épître aux Colossiens. Donc la théologie a, dès le début, réfléchi et donné les bases de cette réflexion. Nous sommes tout à fait donc dans la lignée paulinienne et après évidemment patristique, comme vous le dites. Donc nous continuons cette conversation sur le thème de la souffrance dans 15 jours, ce sera le dimanche 18 mars. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Michel Mestre. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris SEDEX 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.